the son of Venice, going to sea. You memory, design vowels, altar pieces, shrines. Patiently you learn the scholarly language. Then came the epiphany of the next world. From the halo of your essence, you could then withdraw in the warm light where forms dissolve. Ta mémoire dessina les colonnades, les voûtes, les retables des oratoires. Patiemment, tu as appris le langage érudit. Puis, survint l'épiphanie de l'autre monde pour que tu puisses encore, des nappes de ton essence, te retirer dans la clarté chaude où se dissolvent les formes. Ceremony of the Doge, marrying the sea. La place Saint-Marc, t'en souviens-tu? Saluée par les brumes. Tu lisais ton journal dans les heures impatientes des gondoles. L'histoire attendait sur le rivage. Ton rêve de splendeur quotidienne. Pater Noster, les noms mystiques. La dame blanche dans le palais désert. Ah, ce sol qui s'amenuise, la géométrie distraite des canaux où hésite l'espace et l'horizon qui aspire la foule indistincte en lévitation. La cité lacustre, telle que ton amour la préserve. The Lakeside City, as preserved by your love. St. Mark's Square, hailed again in the mist. Do you remember? Reading the news in the jostling of the gondolas. History would wait on the shore. Your everyday splendor dream. Pater Noster. Mystical names, the white lady in her deserted palace, the same narrowing streets, thinning down in the geometry of canals, where space oscillates towards a magnetic horizon, raising a levitating crowd. The Lakeside City, as preserved by your love.